Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint, Annie Ernaux, Antonio Lobo Antunes, André Brink, Jean d'Ormesson, Lydie Salbert. Et toute cette semaine, le romancier Mathias Sénard s'entretient avec Olivier Rollin. Voix nue. À voix nue. Toute cette semaine, Mathias Sénard rencontre Olivier Rollin. Ce soir, la lutte armée. Bonsoir Olivier Rollin. Bonsoir. En 1968, vous fêtez vos 21 ans, en plein début de ce printemps de mai 68, qui va être le début pour vous d'une période très importante et qui donnera lieu à un de vos livres peut-être les plus lus, en tout cas les plus connus du grand public, qui est Tigre en papier. Grand public, n'exagérons rien, mais enfin bon. Et dans lequel vous faites le récit très ironique de ces années de combat, de lutte armée, qui commence donc à l'aube de ce printemps, en 1967-68, lorsque vous devenez militant, et ensuite maoïste. Comment se fait cette rencontre justement avec le militantisme? Qu'est-ce qui vous pousse au départ? C'est un aspect idéologique d'abord ou l'aspect plus aventurier Si j'essaie de regarder ça maintenant, très lointainement, très rétrospectivement, évidemment que ce que je vais dire ne correspond pas du tout, ou très partiellement, à ce que je pensais ou ce que je sentais à l'époque. Bon, mais en tout cas, avec mes yeux de maintenant, je vois bien qu'il y avait certainement très fortement un goût de l'aventure, de quelque chose qui sort de la routine, des études, de la famille, de toutes ces choses-là, de la société, enfin, des rapports sociaux et tout ça. La subversion, comme on disait, comme les journaux disait à l'époque, la subversion, c'est la subversion de toute chose et aussi la subversion des routines. Donc c'est quelque chose d'extrêmement excitant pour un jeune homme qui a un peu de sang dans les veines. Bon, donc je pense qu'il y avait ce premier aspect qui n'est pas très politique. Ensuite, il y avait le fait qu'on a un peu oublié maintenant. Maintenant où l'actualité mondiale est dominée, hélas, par les exactions islamistes, les égorgements, ces choses-là, bon, qui sont quand même assez peu porteuses pour des gens comme nous, en tout cas, d'espoir. Mais à l'époque, le monde était, l'histoire du monde était scandée par les luttes de libération, les luttes révolutionnaires. Bon, il y avait le Vietnam, donc. David et Goliath, enfin voilà, le petit David vietnamien contre l'énorme Goliath américain. Et puis il y avait la Chine dont on pensait bien follement qu'une espèce d'avenir sans classe, sans hiérarchie, etc., était en train de se construire là-bas. Et puis il y avait Cuba, et puis il y avait le Che Guevara, il y avait des guérillas en Amérique latine, enfin bref. J'ai un peu oublié les mots d'ordre, enfin en plus, oui j'y pense avec Maspero qui vient de mourir, enfin c'est, toute cette génération, lui il était d'une génération bien antérieure, mais il y avait des dizaines, des centaines de milliers de gens, de jeunes gens de par le monde, de jeunes gens ou de moins jeunes comme Maspero, qui croyaient que la révolution était en marche, que la zone des tempêtes, comme disait Mao, c'est-à-dire le tiers-monde, quoi, grosso modo, le tiers-monde ex-anciennement colonisé ou dominé par l'impérialisme, etc., allait se libérer et nous libérer nous-mêmes de nos propres chaînes. Enfin, il y avait une espèce d'immense, à la fois espérance, naïveté, on peut dire aussi, mais c'est une chose qui est peu concevable maintenant. Ça allait de soi de penser que la révolution était à l'ordre du jour. Bon, donc voilà, ça c'est un goût de l'aventure. se mettre du côté de la Révolution parce qu'elle était à l'ordre du jour et parce qu'elle était belle, bien sûr. Mais à l'époque, on était très ignorants. Enfin, je veux dire, on était volontairement ignorants aussi. D'ailleurs, on ne voulait pas trop savoir ce qui s'était passé en Union soviétique et tout ça. Mais oui. Olivier Rollin, elle commence comment pour vous, cette Révolution ? C'est peut-être un grand mot d'appeler ça la Révolution avec un grand R. Mais enfin, en tout cas, elle commence voilà, je suis en classe de philo, puis d'Hippocagne à Louis-le-Grand. Il y a un mouvement français, mais mondial aussi, de lutte contre... Enfin, ça commence par la lutte, la protestation contre la guerre du Vietnam. Voilà, ce qui fait que je deviens militant, c'est ça. Et c'est avec des bagarres incessantes contre l'Occident... Voilà. Et puis après, à partir de là, j'apprends qu'il y a un type qui s'appelle Althusser, Louis Althusser, qui est donc prof à Normale Sup et qui régénère le marxisme, qui en fait une... Bon, et donc je suis un peu impressionné par ça, en passant par quelques relais, par des camarades plus vieux que moi, etc. Donc ce que je voulais dire, c'est que le troisième élément, il ne faut pas le... Je le dis maintenant parce que j'aime bien être ironique vis-à-vis de notre histoire, j'aime bien être... affectueux aussi vis-à-vis de notre histoire, mais il faut aussi être ironique, il ne faut pas être simplement un ancien combattant, un vieux con. Et il y avait aussi un aspect de conformisme, quoi. Je veux dire, il se trouve que le conformisme, à l'époque, c'était d'être révolutionnaire. Ce qui aurait été tout à fait extravagant, c'est d'être, je ne sais même pas comment ça s'appelait, les partis à l'époque, mais enfin d'être, si je me souviens, il y avait un type, on avait bien envie de lui casser la gueule d'ailleurs, parce qu'il était radical. Bon, il était membre du parti radical, ça nous paraissait du dernier comique. Comme il était absolument inoffensif, on lui a pas cassé la gueule. Mais enfin, voilà, lui, d'une certaine manière, était un anticonformiste d'être membre du parti radical à 20 ans, en 67. Bon, voilà, il y avait toutes ces choses-là. Mais enfin, je me moque un peu, mais il faut pas. Il y avait quand même aussi un sentiment d'être du côté des faibles contre les forts. Bon, les forts, c'était l'impérialisme américain. Voilà. Et c'était le gouvernement chez nous aussi. C'était. Olivier Rollin, vous dites nous. Et on, oui, et oui, ce pluriel aussi qu'on retrouve dans le livre Tigre en papier. Qui sont ces gens, alors, Olivier Rollin? Qui sont vos compagnons de route au départ? Bah, au départ, c'est des étudiants, enfin des élèves des classes préparatoires, enfin des cagneux, des hypocagneux. C'est un milieu tout petit, très qui se croit. On se croyait un peu savant parce que justement on lisait les bouquins d'Althusser ou des choses comme ça, mais on était quand même très ignorants. Voilà, c'est un petit milieu d'étudiants. Bon, après ça s'élargit un peu. Après 68, ça s'élargit, mais au début c'est ça, des petits cénacles. Gens qui préparent Normale Sup. Qui préparent Normale Sup et la révolution prolétarienne. Naturellement. Alors que... C'est la même chose. Non, je plaisante. Vous n'êtes pas proche, du moins physiquement, des milieux ouvriers. Non, simplement, il y a donc dès 66, je pense, enfin, j'ai très peu la mémoire des dates, mais à cette époque-là, donc, je fais partie d'un groupe... dont la mémoire s'est effacée, et ce n'est sans doute pas dramatique, qui s'appelait l'Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes. Et il y a un mouvement lancé par cette organisation, un mouvement qui s'appelle le mouvement d'établissement. Il y a eu des livres écrits là-dessus, Virginie Linhart, son père, Robert Linhart, etc., qui préconise que les jeunes intellectuels, les jeunes étudiants que nous étions, aillent s'établir, comme on disait, dans les usines, aillent se forger, se tanner le cuir, abandonner leurs idées bourgeoises, etc., au contact du travail d'usine, de la classe ouvrière, etc. Donc, mais moi, j'approuve cette chose, mais pour des raisons qui d'ailleurs m'échappent un peu maintenant, parce que justement, dès le début, je suis un peu un spécialiste des bagarres, quoi. Enfin, dire, c'est bizarre à dire, mais maintenant ça me semble étrange. Mais bon, mais en tout cas, moi, je ne me suis pas établi. Mais ce petit noyau de jeunes intellectuels arrogants et ignorants et idéalistes, beaucoup vont quand même s'établir et travailler dans des usines. Et puis 68 arrive, les événements qu'on connaît. Et la révolution, en revanche, est remise un peu à plus tard. Mais vous, Olivier Rollin, vous décidez de la poursuivre. Alors que dès la fin 68 et début 69, la France retrouve plus ou moins, pour la grande majorité des Français, le calme de la vie quotidienne. Vous décidez de poursuivre la lutte. Oui, c'est... En effet, après juin 68, tout rentre dans l'ordre. Voilà, De Gaulle fortifié au pouvoir, etc. Pas pour longtemps, d'ailleurs, parce qu'il partira l'année d'après. Mais enfin, Mais après, ce sera Pompidou qui, pour nous, était vraiment, alors là, la personnification de la République bourgeoise, enfin, une espèce de Louis-Philippe républicain, quoi. Et, mais en tout cas, donc, tout rentre dans l'ordre, et nous, enfin, nous, un tout petit groupe, en effet, on décide que c'est pas du tout le retour à la normale, enfin, ça n'est qu'en apparence le retour à la normale, et que, en vérité, voilà, le feu couve absolument sous la cendre, que 68, enfin, le grand mouvement gigantesque de mai 68, mai juin 68, ça a été simplement le premier coup de vent, enfin, la première rafale d'une tempête énorme qui est en train de se lever. Et qu'il ne faut pas donc désespérer et qu'on va continuer quoi, on va y aller de plus belle. Bon, et donc on fonde, enfin je fais partie avec d'autres, je participe à la fondation d'un mouvement qui s'appelle de façon un peu exagérée la gauche prolétarienne. Bon, dans la pensée, dans la philosophie et de préparer par des petites escarmouches non armées, non mortelles, mais à chaque fois brisant la loi, enfin sans enfreignant la loi. Notre idée, voilà, c'est ça, c'est d'habituer le peuple à enfreindre la loi et à créer sa propre loi. Donc, à mener une espèce de guérilla un peu théâtrale, pas vraiment militaire, voilà, semi-militaire, semi-théâtrale. Donc déjà la lutte armée est présente dès le départ de... Non, oui, mais la lutte armée, justement, une des choses qui nous a préservé dans notre délire, quand même, c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais on était tout à fait hostile à l'idée de l'avant-garde. Les trotskistes, par exemple, se considéraient comme une avant-garde, parce qu'ils étaient des héritiers du parti bolchevique, lequel se considérait comme une avant-garde, etc. Bon. Nous, on était absolument hostiles à cette idée-là, on était absolument hostiles à Lénine, enfin, au léninisme, et on considérait qu'on était les serviteurs, les scribes des larges masses, comme on disait. Bon. Mais on n'avait pas à leur donner de leçons. Alors en pratique c'était assez contradictoire, assez paradoxal, parce que malgré tout c'était nous qui faisions des actions exemplaires, comme on disait. Bon, mais dans notre pensée ou dans notre rhétorique, ces actions n'étaient que la systématisation, la mise en musique, comme ça, d'idées qui venaient des masses populaires elles-mêmes. Bon, donc on ne se sentait pas en avant. La conséquence de ça, c'est que, et qui est extrêmement importante dans notre histoire, c'est que nous n'avons jamais considéré que nous avions le droit de tuer. Et c'est pas parce qu'on était plus gentil que les autres, on était plutôt plus méchant que les autres. Bon, on était beaucoup plus violent que les autres en tout cas. Mais cette chose-là, de tuer, c'est-à-dire de passer à cette étape justement de la lutte armée, on considérait que c'était les larges masses, toujours dans notre vocabulaire de l'époque, qui devaient en prendre l'initiative. Et qu'après, nous, évidemment, on serait là pour... toujours pareil, pour systématiser la chose, pour leur donner des armes, pour leur faire des instructeurs un peu techniques et tout ça, mais voilà. Mais c'était pas à nous de prendre ces décisions-là. Ce qui, beaucoup plus que toute autre chose, nous a écarté des tentations mortelles qui ont été celles de l'Allemagne, de l'Italie, l'Allemagne et de l'Italie notamment. Et ensuite de quelques-uns de des groupuscules qui nous ont succédé en France. Et Olivier Rollin, vous dites-nous, ce qui est fascinant quand on regarde la liste des membres ou des sympathisants de la gauche prolétarienne, c'est le nombre d'écrivains qu'on y retrouve, de gens qui n'étaient peut-être pas forcément écrivains sur le moment, mais qu'elles sont devenus ensuite. Ah bon, tant que ça? Oui, il y avait mon frère. Quelques-uns. Oui. Jean Rollin, Michel Debry, oui, c'est exact. Olivier Roy, Daniel Rondeau. Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai. Nous avons divergé ensuite, je n'ai plus tellement le sentiment d'une... Mais oui, bah parce qu'il y avait des jeunes gens imaginatifs dans ce mouvement. Il y avait des jeunes gens révoltés d'abord quand même. J'ai parlé avec un peu d'ironie, mais il y avait quand même aussi, et même principalement, au départ, quand même, c'est en effet ce sentiment qu'il fallait être avec les faibles contre les forts. Bon. Donc c'était, il y avait des jeunes gens, dans l'ensemble, qui avaient une certaine culture, même si elle était très sommaire, puisqu'on était des étudiants, et puis qui avait un sens de un peu brut comme ça de la justice, de la nécessité de se révolter, et puis qui avait aussi un peu d'imagination. Donc, il n'est pas trop étonnant que certains soient devenus écrivains ensuite. Il y a une légende contre laquelle, enfin, qui maintenant qui n'a plus guère cours parce que Maintenant, on est tous dans les antichambres du cimetière. Bon, mais pendant longtemps, on a dit comme ça que les anciens de la gauche prolétarienne, par exemple, que les anciens maoïstes étaient occupés toutes les fonctions de pouvoir, étaient partout infiltrés dans le pouvoir, etc., dans les pouvoirs. Or, c'est absolument faux. C'est absolument faux. La plupart, quelques-uns sont devenus écrivains. Ce qui n'est pas quand même, on me l'accordera, la position de pouvoir la mieux assise. Et beaucoup d'autres sont devenus, sont tout à fait inconnus maintenant. Sont devenus, je sais pas, quelques-uns profs, quelques-uns chercheurs, quelques-uns traducteurs, quelques-uns. Mais en tout cas, cette idée que nous avons ensuite infiltré le pouvoir est fausse. Voilà, on a repris très difficilement, souvent, une vie d'intellectuel là où on était, quoi. Et à la tête de ce mouvement se trouve un grand intellectuel, puisque c'est Benny Lévy, mm-hmm. qui est un ami, votre compagnon de révolution, et que dans Tigre en papier, vous changez son nom. Et Olivier Rollin, pourquoi est-ce que dans le roman Tigre en papier, vous avez choisi de ne, tout en racontant réellement votre histoire, ce qui s'est passé pendant ces années de lutte armée, pourquoi avez-vous choisi... De lutte armée, encore une fois, de lutte à la frontière de la lutte armée, mais pas, c'est pas parce qu'on trimballait des pétoirs dans les rues de Paris, je l'ai déjà dit souvent dans d'autres circonstances, mais il n'y avait pas de balles dans les pétoirs qu'on trimballait. On ne voulait pas risquer, dans un moment de panique ou en se prenant les pieds dans un tapis, de faire une bavure, comme on dit maintenant. C'était nous qui risquions de nous faire descendre, parce que quand même, on se baladait avec des mitraillettes, donc si les flics nous tombaient dessus, ils risquaient de pas être très... très... Non, mais c'est important. Je veux dire, voilà, c'était une lutte qui avait les aspects certains aspects d'une lutte armée, mais qui ne l'était pas. Encore une fois, on a fait deux choses bien, je trouve, dans notre... deux choses qui sont quand même absolument singulières dans l'histoire des mouvements d'extrême-gauche européens du XXe siècle. C'est que nous étions armés, non armés, armés sans tuer, armés en s'interdisant la possibilité de tuer, pas celle d'être tué nous, mais celle de tuer. Et deuxièmement, que nous nous sommes dissous, nous-mêmes. Nous nous sommes dispersés, nous-mêmes. Nous n'avons pas à persister dans notre être. Alors, si je peux me permettre de vous embêter, vous avez quand même failli assassiner, bon, quelqu'un de tout à fait peu recommandable par ailleurs, mais là, avec des balles réelles, oui, oui. Vous avez planqué devant sa maison pendant deux jours, puisqu'il s'agit de Paul Touvier. Oui. Et là, vraisemblablement, s'il était apparu à ce moment-là, vous auriez tiré. Oui, je suppose, oui, mais il n'est pas apparu. Donc il y a bien un côté quand même... Non, mais justement, on avait conscience que c'était une énorme exception que nous faisions à notre règle. Mais enfin, Paul Touvier, c'était, voilà, chef de la milice de Lyon, responsable, autant que je me souvienne, de la déportation des enfants d'Izieux, etc. Enfin, c'était vraiment une ordure, quoi. Et comme il était, nous pensions qu'il était, alors est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est si vrai que ça maintenant, est-ce qu'il était protégé par Pompidou, je n'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, disons que Pompidou avait avalisé je ne sais plus quelle mesure d'amnistie, ou j'ai un peu oublié les détails. Mais quoi qu'il en soit, il nous semblait que là, dans cette espèce de collusion entre ce qu'il y avait de pire, encore une fois, pour nous, la collaboration, et surtout la collaboration active, gestapiste, enfin, ou milicienne, ça revient au même, antisémite, etc. C'était vraiment, c'était ce qui nous faisait horreur dans notre pays. Bon, alors, la collusion réelle ou supposée de cela, de ce passé-là, avec la République bourgeoise de Pompidou que nous détestions comme ancien banquier, etc., eh bien, il nous a semblé que nous pouvions faire une exception. Voilà. Et en effet, nous avons planqué beaucoup plus de deux jours. On avait loué un appartement devant sa maison à Chambéry. Il ne s'est pas pointé parce qu'il n'était pas fou. Mais je pense qu'en effet, oui, on avait là un fusil, enfin une 22 à lunettes avec des balles réelles. Et je pense que si c'était présenté, on l'aurait descendu. Mais bon, ça ne s'est pas trouvé. Et pourquoi dans Tigre en papier, Olivier Rollin, alors que vous racontez grande partie d'événements, enfin même, tout est vrai dans le roman, c'est romancé, mais enfin ce n'est pas très loin de la réalité. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous changez tous les noms alors des différents personnages? parce que j'ai quand même pas écrit, j'ai pas fait un livre ni d'historien ni de chroniqueur, c'est quand même un roman. Enfin, je veux dire, l'événement qui forme l'épine dorsale un peu du livre, dont les épisodes forment l'épine dorsale du livre, c'est-à-dire l'enlèvement d'un général en retraite, PDG d'une société qui s'appelle Atoframe, mais qui en vérité est Framatome, c'est-à-dire l'ancêtre d'Areva, là. Cet événement-là n'est jamais advenu. On l'avait projeté, mais ça ne s'est jamais passé. Donc j'invente beaucoup de choses. J'invente les noms aussi, mais par... oui, parce que c'est un roman. Et puis parce que... De toute façon, chacun, ceux qui pouvaient se reconnaître se sont reconnus, et quelquefois sans plaisir d'ailleurs. Voilà. Et Olivier Rollin, combien de temps durent ces années? 3, 4 ans? Vous ne voulez pas dire lutte armée, donc on va dire de lutte armée sans armes. Oui. Vous organisez des entraînements en forêt de Fontainebleau, à lancer des grenades que vous ne possédez pas. Et ensuite, la gauche prolétarienne décide de se dissoudre. La gauche prolétarienne, elle dure de... l'automne 68 à l'automne ou l'hiver, là aussi je sais plus très bien, 72-73 quoi. Donc elle dure 4 ans, mais 4 ans qui étaient bien employés quoi. Il n'y avait pas beaucoup de temps mort. Et on décide de se dissoudre, alors eh bien pourquoi? Parce que, encore une fois, là je dois, l'honnêteté m'oblige à dire que ce que je vais dire c'est mon interprétation de maintenant. Parce que on voit qu'on est... Il y a eu la mort de ce jeune ouvrier à Renault, Pierre Vernet. En réplique à cela, on a enlevé un cadre de chez Renault. Sans armes? Sans armes, enfin si, avec des armes non chargées. On l'a relâché au bout de quelques jours de détention. Enfin bref, et on voit que les choses sont arrivées à un point où, en effet, où ça risque de tourner à l'allemande, quoi. Bon. Ça va devenir une espèce de guerre privée entre les polices et nous, quoi. Or, nous ne voulons pas ça. On est... À l'allemande, vous voulez dire dans le terrorisme façon oui, Bader et... Oui, voilà. Bon, disons que ça, c'est la raison massive, enfin celle que nous avons à nous-mêmes à ce moment-là. Mais il y en a plein d'autres qu'on s'avoue à demi-mot aussi. Enfin, il y en a une autre qu'on voit bien. Non, il y en a une autre dont on est conscient aussi, c'est qu'on voit qu'au fond... toutes nos actions supposées être un demi-pas en avant des masses, enfin d'indiquer le chemin mais sans donner de leçons, etc. Le peuple, dans la mesure où quand il se bagarre, c'est pas du tout en suivant nos chemins. Et donc à ce moment-là, il y a, je sais plus exactement quand ça a lieu, mais enfin il y a l'histoire de la grève, enfin l'histoire de la grève de l'IP, de l'occupation de l'usine LIP à Besançon, avec qui se forme en une espèce de communauté autogestionnaire qui continue à produire des montres, qui vendent les montres hors des circuits commerciaux, etc. Donc on voit tout d'un coup que des types qui sont les ouvriers, qui sont des ouvriers qui plus est cathos, enfin pour beaucoup en tout cas, donc pas du tout maoïstes, enfin ils n'ont pas besoin de nous pour inventer des formes de lutte qui stupéfient la France entière. Bon. Donc on voit qu'on sert à rien. Et puis, il y a aussi le fait, alors là, c'est mon interprétation maintenant, mais je pense qu'on se rend sourdement compte qu'on devient crétin, qu'on devient complètement crétin. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas lu un truc, qu'on n'a pas vu une pièce de théâtre, qu'on n'a pas écouté de la musique, qu'on n'a pas... Et encore ça, sans doute qu'on n'en ressentait pas le besoin, mais ça fait des années qu'on n'a pas eu une discussion avec quelqu'un qui ne soit pas nous. On ne discute qu'entre nous. On fait des réunions de lutte, critique, réforme, etc. Mais on ne discute pas avec un type normal, moyen. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de. Enfin, bon. Et donc, je crois qu'on se rend compte, voilà, qu'on est en train de devenir, en effet, des robots, quoi. Et donc, en fait, toutes ces raisons-là font que nous décidons, sans attendre, enfin on a déjà été dissous par mesure administrative du ministère de l'Intérieur, mais nous décidons, on aurait pu se reconstituer à l'infini, et on décide que non, qu'on arrête, et qu'on repart chacun avec notre bâton de pèlerin et notre malheur individuel dans le monde. Et Olivier Rollin, la vraie question que posent ces années, ou en tout cas celle que vous soulevez dans Tigre en papier, c'est celle de la légitimité de la violence politique. C'est-à-dire finalement, est-ce que la violence, même feinte, même adoucie, est légitime en politique? Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose? Je serais tenté naturellement maintenant, à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, enfin, l'expérience directe et indirecte, avec ce que j'ai vu des révolutions du monde, ce que j'ai vu des luttes armées diverses, avec ce que je connais de l'histoire des révolutions, bon, je serais tenté de répondre non. Elle amène toujours le pire, elle amène toujours un État... enfin, si elle triomphe, si la violence révolutionnaire triomphe, eh bien, elle produit un État policier, elle produit une violence répressive, elle produit le NKVD, elle produit les camps et tout ça. Et c'est ce qu'elle a fait partout où elle a en effet triomphé. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas répondre simplement cela, parce que je ne crois pas que la violence ait servi à grand-chose pour renverser les généraux chiliens ou argentins, etc. C'est plutôt les Anglais qui ont renversé les généraux argentins, mais en tout cas, je ne peux pas dire non plus qu'elle était illégitime. Voilà, quand on a affaire à une junte fasciste qui torture, etc., je ne trouve pas illégitime de commettre des attentats contre cela, pas contre, bien sûr, pas aveugle. Je me souviens que je me suis réjoui, et je me réjouirai toujours, je pense, quand l'amiral Carrero Blanco, qui était le successeur de Franco, a sauté à 30 mètres de haut avec sa limousine blindée dans une rue de Madrid, je n'ai pas pleuré, au contraire. Voilà. Olivier Rollin, vous écrivez « La condition paradoxale de ma génération, c'est qu'elle aura commencé sa vie sous le signe très impérieux de la politique et de la politique la plus radicale, et qu'elle s'achemine vers sa fin dans un éloignement de plus en plus grand et de plus en plus inéluctable de la politique. » Ben oui. Oui, j'éprouve un scepticisme très très grand vis-à-vis de... Oui, de tout engagement politique. Je sais que disant cela, je me fais des... Enfin, il y a des gens qui me désapprouveront, mais je voudrais qu'ils essaient de comprendre. Je pense qu'il y a des engagements politiques qui sont plus justes que d'autres, bien sûr. J'ai fait ce que j'ai pu pour aider, je sais pas, au moment du siège de Sarajevo, etc. Mais même maintenant, je trouve qu'il est plus juste, sans doute, d'être, si j'étais grec, d'être... croire en Syriza que de croire dans les, je sais pas qui, les armateurs et l'église grecque. Bon, l'église orthodoxe. Mais néanmoins, on voit bien que là-bas aussi, finalement, la part de mensonge dans le discours politique radical de Syriza là, est immense. Enfin, bon, ils sont en train d'en venir exactement à ce que demande l'Europe. Mais plus au fond, je vois bien que tout discours politique ne peut exister que s'il se donne comme étant la vérité. C'est-à-dire, le doute est impossible. Même quand on est un petit parti de centristes, même Bayrou, il compte pas beaucoup voilà, c'est pas un grand parti de gouvernement, etc. Il y en a des encore plus minables, je sais pas comment ils s'appellent, Hervé Morin, ou je sais pas quoi, je veux dire, bon. Même ceux-là prétendent qu'ils ont la vérité, que ce qu'ils disent est juste et vrai, que leur programme est bon et que tous les autres sont mauvais. Bon. Donc il y a une espèce de bêtise, essentiel, structurel, quoi, dans le discours politique, dans l'assurance que ceci est vrai, ce que je dis est vrai, et tout le reste est erreur. Bon. Et c'est exactement le contraire de ce que m'a appris, moi, enfin, pas seulement à moi, mais la littérature. C'est-à-dire que, justement, il n'y a pas de... Que dit Kundera, c'est le... Kundera, bien d'autres. Bon, je veux dire, c'est le territoire, le domaine de l'ambiguïté, c'est le domaine où personne n'est détenteur de la vérité, c'est le domaine de l'ironie. Enfin, un personnage de roman digne de ce nom, pas un roman de propagande, c'est un personnage compliqué, ambigu, qui n'est ni bon ni mauvais, etc. Donc, m'enfonçant, si j'ose dire, depuis pas mal d'années maintenant, dans la littérature, dans l'écriture, dans la lecture, etc., je ne peux que me sentir de plus en plus stupéfait par le simplisme du discours politique. Il y a une espèce de loi qui fait que si on fait de la politique, il faut rassembler des gens autour de soi. Pour rassembler des gens autour de soi, il faut parler le plus simple possible, le plus bête possible. C'est malheureusement comme ça, voilà. Pas si on fait un club de lecture, un club de pensée, etc. Mais si on veut faire un mouvement politique, il faut des slogans, il faut des mots d'ordre, comme on dit. Bon, eh ben, ça, jamais plus je n'accepterai des mots d'ordre, même si, encore une fois, certains me paraissent plus justes que d'autres, quand même. Merci Olivier Rollin, nous vous retrouvons demain pour la suite de cet entretien. Mais volontiers. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathias Sénard avec Olivier Rollin. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, Mathieu Maroudin. Réalisation Vincent Abouchard. Coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain. Un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous écoutons Olivier Rollin lisant lui-même ou lu par des acteurs. L'œuvre de Olivier Rollin est multiple et chaque livre est comme une facette particulière de cette œuvre rassemblée dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil sous le titre Circus. Voici donc un circus radiophonique proposé à partir de 5 livres choisis par Olivier Rollin lui-même, Méroé, L'invention du monde, Un chasseur de lions, Le météorologue, dernier livre paru, et ce soir Tigre en papier, présenté par Olivier Rollin. Aux alentours de l'an 2000, un homme vieillissant raconte à une jeune femme les tribulations de la petite bande maoïste dont il faisait partie, avec son père à elle, à la fin des années 60 et au début des années 70. Le père, qui portait dans ses temps anciens et picaresques le curieux sobriquet de 13, est mort jeune, sa fille l'a à peine connu. La scène est l'habitacle d'une voiture, pas n'importe laquelle, une déesse baptisée « Remember », qui tourne sur le boulevard périphérique parisien le temps que se dévide le récit. C'est la nuit. Pages arrachées à Olivier Rollin. Deuxième épisode. Tigre en papier. L'Orient est rouge. Porte Molitor, porte d'Auteuil, A3 à 12 fluide, A13 à 14 fluide, tout baigne. La grande galaxie spirale du Parc des Princes, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Rouen. Là-bas à gauche, il y a Rhin et Danube, le rond-point, et puis plus loin, le pont. Et l'autoroute qu'ils appellent maintenant A13 en l'honneur de 13, si ça se trouve, dis-tu à sa fille. En ce temps-là, on l'appelait l'autoroute de l'Ouest. Je ne sais si je parviendrai à te parler de ton père qui fut et qui demeure mon ami. Mais je voudrais au moins que tu comprennes que nous étions peut-être les derniers. Oui, nous, tout ridicule qu'on était, mi Don Quichotte, mi Sancho, à nous intéresser à l'éternité. Sur l'autoroute de l'Ouest, vous aviez projeté 13 et toi une embuscade contre les CRS. C'était les sombres jours de juin 68. La réaction l'emportait, les drapeaux rouges inexorablement disparaissaient des toits, les usines les unes après les autres reprenaient le travail. Vous aviez l'âge où on a trop d'imagination, et surtout pas assez de culture pour lui donner une forme plausible. Vous vous voyez volontiers en résistant, ou aussi bien en Marie-Louise, ces jeunes conscrits de 1814 qui pensaient sans doute défendre les ruines de la Révolution contre l'armée lugubre des rois. Vous vous étiez battu avec la police autour de l'usine Renault, à Flins. La campagne. Le soleil éclatant sur les casques ennemis au fond des champs sur lesquels les nuages jetaient des ombres bleues. Les volutes de fumée que le vent déchirait aux branches des arbres. le contraste entre les détonations, le bourdonnement des hélicos dans le ciel et la reptation minuscule le long d'une tige de seigle hirsute d'un insecte aux élytres d'émeraude donnait à ces escarmouches l'apparence d'une vraie guerre. Ce qui t'exaltait aussi, penses-tu à présent, c'était la certitude inavouée de combattre pour une cause déjà perdue. Sur les collines alentour, des fermes auraient pu être la Haie Sainte ou le Mont Saint-Jean. On voyait encore dans les champs alors les cocardes sanglantes des coquelicots comme dans un tableau de Monet ou une chanson de Mouloudji. Un jeune lycéen fut tué dans cette affaire. Tu avais passé la nuit d'avant sa mort à discuter avec lui et d'autres à l'école normale supérieure de Saint-Cloud autour d'un feu de bivouac. Ça avait un côté scout, peut-être on peut dire ça, mais vous croyez voir bouger dans l'obscurité les grandes draperies de l'histoire. Harnachés, casqués, appuyés sur vos manches de pioche, sous la noirceur des arbres que faisait vaciller la lumière des feux, vous vous imaginiez que vous montiez la garde dans les tranchées de la cité universitaire à Madrid en 1938. C'était comme ça. Le monde que vous aviez sous les yeux, dans lequel vous viviez, était comme approfondi, transfiguré par une puissance qui reliait chaque événement, chaque individu à toute une chaîne ancienne d'événements et d'individus plus grands, plus tragiques. On peut trouver ça ridicule, c'était quand même une manière de poésie. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus que du présent, de l'instantané même. Le présent est devenu un colossal fourmillement, une innervation prodigieuse, un Big Bang permanent. Mais à cette époque-là, le présent était beaucoup plus modeste. Il était la modestie même, en fait. C'était le passé qui avait une présence formidable, et l'avenir aussi. Le passé, l'histoire, était le grand projecteur des images de l'avenir. Ce jeune lycéen, Gilles, avait été tué. Enfin, il s'était noyé dans la Seine en essayant d'échapper à la police. Et c'était le premier homme que tu voyais faucher ainsi. Le son de sa voix encore dans tes oreilles, tous ses gestes familiers et presque enfantins encore déployés autour de lui. C'était la première fois que vous mouriez. Tunnel, haie de néon pâle, arbre noir sur la gauche, on arrive vers le bois. À 700 mètres dans le cap, il y a la porte Molitor. Puis la porte d'Auteuil où tu as été coincé une fois, dans une fourgonnette remplie d'une armurerie hétéroclite au beau milieu d'une manif de lycéens. Tout cet attirail, la fourgonnette Fiat volée évidemment, et les pétoirs, ça devait servir à arrêter, c'était le mot que vous utilisiez, le général en retraite Chalet, PDG d'Atoframe, société qui avait licencié des grévistes et qui, en outre, produisait certains composants électroniques de base entrant dans la fabrication des bombes que l'US Air Force larguait sur le Vietnam. Ce matin-là, vous étiez fin prêt, équipé, grimé, mais lui n'était pas au rendez-vous. Il devait être en voyage d'affaires. Vous aviez attendu une bonne heure devant chez lui. Mais au bout de tout ce temps, la tension avait commencé à monter. C'était fatal. Et puis 13 avait eu envie de pisser. C'était malin. Ça vous avait collé un fou rire qui secouait dangereusement les tôles. Le copain déguisé en chauffeur-livreur au volant avait beau rester impassible, vous alliez finir par vous faire repérer. Et plus vous essayez d'étouffer votre rigolade, accroupi à l'arrière, invisible, enfouraillé, congestionné, plus 13 avait envie de pisser. Et le rire contre-révolutionnaire redoublait. À la fin, c'était intenable. Vous aviez dû lever le siège. Le copain qui conduisait, c'était Fichaoui Di Julo, un petit une d'un sang-froid à toute épreuve, et marrant en plus. Suivant avec discipline l'itinéraire prévu pour le repli, il s'était vu soudain environné et bloqué par une foule de lycéens jaillis de Jean-Baptiste Say pour manifester contre je ne sais laquelle de ces réformes de l'éducation dont la mode commençait à se répandre. À moins que ça n'a été pour protester contre les violences policières, assez à la mode aussi. Naturellement, vous étiez d'accord avec eux, par principe. Il y avait même sûrement dans la foule braillarde des membres de la cause. N'empêche, la situation devenait emmerdante. Vous, bloqués, avec vos fausses moustaches, vos perruques et vos tromblons, au milieu de ces jeunes excités à qui la police, telle qu'on la connaissait, n'allait pas tarder à chercher des crosses. Fichaoui Di Julo, une fois de plus, avait été admirable, racontes-tu à la fille de 13. Cependant que surgit devant le vaisseau Remember une espèce de gigantesque chapeau de la reine d'Angleterre, mauve trapézoïdale, scintillant de paillettes, balayé de spots ondulatoires. Oh, le palais des congrès relooké, décoloré, Old Lady Lovely. Il avait fait valoir aux camarades lycéens qu'il était un camarade travailleur et que son patron le virerait s'il ne faisait pas sa tournée à temps. Vous, dans le fond de la camionnette, vous reteniez votre souffle. L'affaire s'était terminée par une fraternisation enthousiaste et les manifestants, levant leurs poings juvéniles, avaient ouvert leur rang devant vous juste avant que n'apparaissent les premiers casques de garde mobile. Le général en retraite chalait. Vous aviez quand même fini un autre jour par le charger dans la fourgonnette. Lorsqu'il s'est égaré et qu'il était descendu de sa déesse Palace rue des Marronniers, tu lui avais mis le canon de la mitraillette sur le ventre, une vieille Sten de la guerre à chargeur horizontal, de celle que les alliés, à la fin, parachutaient par milliers. Il fallait le pousser à l'intérieur de la camionnette que conduisait Fichaoui Dijulo. On pensait que Chalet allait opposer une résistance acharnée, alors je l'ai poussé de toutes mes forces avec la Sten vers la porte ouverte de la camionnette. Eh bien, au contraire, il s'est quasiment évanoui, si bien qu'emporté par mon élan, je l'ai bousculé et nous sommes tombés tous les deux par terre, moi sur lui. Et dans l'affaire, le chargeur de la Sten s'est déverrouillé. Et il a giclé dans le caniveau, le ressort, le poussoir, tout ça tintinabulant dans le caniveau. Pas les balles, puisqu'on ne chargeait pas nos armes pour éviter des conneries, des bavures, comme on dit justement dans ce genre de circonstances. Enfin, tu vois le tableau, le général et moi allongés sur le macadam et l'armurerie en vadrouille. Bon, on a ramassé toute cette quincaillerie et le général par le col du paletot, plus mort que vif et en voiture. Fichaoui a fait un démarrage de Grand Prix. 5 heures du mat. Combien de temps qu'on tourne? 2, 3 heures? Combien de révolutions on a faites, la fille de 13 et moi, au Commander Remember? C'est pas. Autour de la grosse boule sombre couturée d'électricité, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, rouge, blanc, vert, bleu, rouge, arc-en-ciel déjanté. Ils sont en train de se lever à droite. Fenêtre qui s'allume, la nuit cligne de l'œil. Debout, les pyjamas. Et dans le ciel, là-bas, ça ne se lève pas? Si, un peu, on dirait. On y pense. Ça se remue. Lueur verdâtre. Bientôt l'heure abominable où les prolétaires courent vers le chagrin dans l'aube venteuse. Heure des yeux pochés, des nausées, des aigreurs d'estomac. Sillage des semis lancés vers Rungis. La barbe qui pousse. Je te barbe pas, non? Pas fatigué? Alors on continue. J'en étais où? On était allé aux puces chercher une très grande malle pour y mettre Chalet. On n'avait rien trouvé qui nous convienne vraiment, mais on avait fini par jeter notre dévolu sur un coffre assez vaste, tout de même. Un coffre en bois du genre de celui de Billy Bones dans l'île au trésor. On a réussi à le faire entrer là-dedans, la tête contre une paroi, avec un petit coussin pour le confort, les pieds contre une autre, genoux pliés. La camionnette roulait depuis 2 ou 3 minutes, elle devait déjà avoir été signalée à la police, il était temps de changer de monture. Un relais de poste était prévu au fond d'un garage souterrain non loin de là. Monte-charge nous y attendait au volant d'une fourgonnette d'une couleur et d'un modèle différent. « Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas parlé de monte-charge jusqu'à présent, » dis-tu à la fille de 13. « En fait, si, je le sais bien, il avait vécu avec Judith avant. Et il nous avait surpris en flagrant délit. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Des préparatifs nullement ambigus. » Je m'étais vraiment, en cette occasion, comporté comme dans une pièce de boulevard. Si j'avais eu le temps de me jeter dans un placard, je l'aurais fait. J'avais bredouillé n'importe quoi, rouge et essoufflé et débraillé, que la fatigue, qu'on s'était endormi, qu'on rêvait que... Montcharge m'avait dit de ne pas me fatiguer, qu'il n'était pas idiot. Il tenait son surnom du fait qu'établi un moment chez Citroën, il avait, au cours d'une grève sauvage, avec un groupe d'OS marocains, réussi à bloquer pendant une journée entière un monte-charge qui alimentait la chaîne des deux chevaux. Et chez Citroën, c'était drôlement calé de faire ça. Après, évidemment, ils avaient tous été virés. C'est au moment où on descendait la rampe du garage que l'irréparable s'est produit. Chalet est sorti de la très passagère léthargie où il était tombé. D'un seul coup, il a retrouvé toute son énergie, il pétait les flammes. arc-bouté, d'une détente des jambes, il a défoncé le coffre. Le bois, dans un craquement terrible, a éclaté. Merde ! On aurait quand même dû en acheter un en fer, a dit 13 d'un ton sinistre. C'était pas pour faire des économies, c'est parce qu'on n'en a pas trouvé, du con, lui ai-je répliqué vertement. Fichaoui s'est garé à côté de la fourgonnette 4L et il est venu nous rejoindre derrière. Debout, autour de la malle ouverte, des mantibulés, on se demandait quoi faire. Quand Chalet a commencé à essayer de s'en extraire. En grotesque, ça devait évoquer une scène de résurrection, tu vois. Quand même là, il exagérait, il aurait pu patienter un peu. Ta gueule, toi, laisse-nous réfléchir tranquille, lui a dit Fichaoui en lui rabattant le couvercle sur la tête. Ce réfléchir tranquille était admirable, du meilleur Fichaoui. Mais on avait beau chercher, il n'y avait pas de solution. On ne pouvait plus boucler la malle, et il suffisait que Chalet pousse encore un peu pour que son pied passe carrément à travers le bois. Il n'y avait plus qu'à le laisser là et à se tirer en vitesse, et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, mon charge nous a largués au métro Porte Dauphine, ou bien c'était Trocadéro, 13, Judith et moi. Dans le wagon, 13 s'est assis en face de nous, et c'est là qu'on a vu sa tronche. Sa fausse moustache était de travers, à demi décollée. « Eh bon, Roda Gobert, lui ai-je soufflé, ta moustache est de travers. » Il l'a enlevé d'un air digne, comme un vieux sparadrap, et la colle a laissé sur sa lèvre supérieure une espèce de bave d'escargot noirâtre. Ce n'était pas loin d'être la chose la plus drôle que j'avais vue de ma vie. On rencontrait encore des bourgeois dans le métro à l'époque. Il y en avait un de l'autre côté du couloir. Un mec en loden vert avec un petit chapeau pied de poule qui lisait Le Monde. Mais pas les pages entreprises ou tendances financières ou argent, non. Ces pages n'existaient pas encore. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il lisait les pages Agitation et Subversion, qui étaient comme le journal officiel des fouteurs de merde de toute obédience. Mais quand même, il faut reconnaître qu'à la cause, on alimentait le plus gros des rubriques. Les autres faisaient les bouches-trous. Le sourcil de ce type s'arquait au-dessus des pages, l'œil braqué en douce vers nous, interloqué, vaguement effrayé. Nos regards se croisèrent. L'œil, comme un mollusque, se retira précipitamment sous sa coquille de papier. Après, dans la nuit, on a pris le train postal à la gare du Nord pour aller se planquer en Belgique. Pourquoi ce tortillard qui s'arrêtait partout ? Je ne m'en souviens plus à présent, dis-tu à la fille de 13. Peut-être pour arriver au petit matin à la frontière sans être obligé de faire escale à Lille. Et pourquoi Judith ne m'a-t-elle pas accompagné ? C'est plus. Le train devait démarrer vers 11h ou minuit, il me semble. Il y avait dans les wagons des bidasses abruties de bière, de fatigue, de tristesse, têtes rases de bagnards s'entrechoquant dans les chaos, des wagons qui dataient du temps des locaux à vapeur. On pouvait baisser les glaces et c'était marqué dessus « Attention aux escarbilles ». Escarbille. Je suis sûr que tu ne sais pas ce que c'est, dis-tu à la fille de 13. C'était de petits copeaux de charbon brûlant qui volaient dans le sillage de la locomotive. Si on se penchait au dehors, en dépit de l'inscription fameuse « E pericolosos por Jersey », qui a été, pour beaucoup d'enfants de ma génération, leur premier contact avec le mystère d'une langue étrangère, si on passait la tête à la fenêtre, donc, il fallait faire gaffe à ne pas s'en prendre une dans l'œil. Le convoi s'arrêtait en ferraillant à toutes les gares, restait interminablement à quai, le temps de charger les sacs de courrier, ou de les décharger, ou les deux, je ne sais pas. Il y avait toute une poésie des gares nocturnes qu'on a presque perdue aujourd'hui. Lanternes balancées à bout de bras, hommes en mitouflé marchant le long des voies, appels lointains de haut-parleurs, ahannement des locaux de manœuvre, chasse d'air comprimé, tintement clair des marteaux contre l'acier des roues, comme dans Anna Karénine. Enfin, on repartait, puis on s'arrêtait un peu plus loin. On traversait le pays des betteraves, on arrivait dans celui du charbon. Busigny, Cambrai, Douai, Pont de la Deule, Ostricourt, Libercourt, Falampin, Seclin, Vatigny, Ronchin. Debout dans le couloir, fenêtre baissée, on fumait, 13 et moi, silencieux, regardant le lent défilé des gares, des usines, des corons, terrils, chevalements, canaux, les vitrages pâles d'une filature, une route dont le pavé humide divisait la lumière à la façon d'écailles de poisson, et de nouveau des cheminées de briques empanachées. comme celle du grand incinérateur, là, devant nous, dis-tu à la fille de 13. Des corons, terrils, chevalements, un canal sous un pont de fer que le train traversait en grondant. Dans la nuit, par là, de part et d'autre de la voie, Lucien rêvait de faire dérailler un TEE. Winter, peut-être, pleurait silencieusement. André était déchiré par une quinte de toux, il buvait un verre de lait pour essayer de calmer la brûlure de la silice. Gustave dormait en ronflant, sonné par la bière. Victoire et Laurent tiraient à la ronéo-vietnamienne, un par un, des tracts annonçant aux masses le grand succès qu'avait été l'arrestation du général Chalet, PDG d'Atoframe, laquais des impérialistes américains et exploiteur du peuple. À la cadence que permettait le rustique appareil, ils imprimeraient la dernière feuille juste avant de partir pour la DIF, titubant de sommeil, les mains noires d'encre. Ils termineraient la journée à la gendarmerie, sûrement. 13 avait un de ces briquets boîte à musique chinois qui jouait l'Orient rouge quand on en ouvrait le capot. La la la la la la la la la, l'Orient est rouge, le soleil se lève. La la la la la la la la la la, en Chine paraît Mao Tse-tung. À chaque clope qu'il allumait devant le paysage nocturne, retentissaient les premières mesures du ridicule quantique. « Tu crois que c'est bien nécessaire ?» lui ai-je demandé d'un air sombre. Alors qu'il était, les flashs des radios revenaient tous sur l'enlèvement manqué d'un grand patron lié à ce qu'on appelait alors le complexe militaro-industriel. La nouvelle devait barrer les unes des journaux du matin. Toutes les polices de France devaient être à nos trousses. C'était bien le moment de se faire remarquer. 13 se marrait silencieusement, tirant sur sa clope. Il fredonnait les paroles en chinois approximatif. « Tang fang gang hong, tang yang gang chen, zong go shu le yi ge mao tse tong. » Le train est resté en gare de Lille pendant un temps qui nous a semblé interminable. Puis il a redémarré dans un grand criaillement de ferraille. Direction Croix-Vasquehal, Croix-l'Allumette, Roubaix. C'est là qu'on descendait. Juste avant le terminus, Tourcoing. Quand on est sorti sur la place devant la gare, le ciel était jaune et vert, comme l'intérieur d'une feuille de salade. Des bistrots s'allumaient, des enseignes clignotaient. Jupiler, Stellar, toi. C'était le petit matin aigre-lait, dans lequel, debout au zinc, le sac à l'épaule, la casquette baissée sur l'œil, on boit, sans dire un mot, un jus bouillu, foutu, sale, et plein de bulles et fumant comme une eau de lessive. On a pris un tram sur le boulevard industriel. 13 a encore allumé une clope là-dedans. À l'époque, dis-tu à sa fille, on fumait partout, et spécialement chez les prolos. Ça n'était pas ça qui risquait de surprendre. C'était la petite musique imbécile. L'Orient est rouge. La plupart des passagers, ça leur attirait des pâles sourires sous les lampes blafardes. Mais il aurait suffi qu'il y ait dans le tram un type du PC qui connaisse cette chansonnette, et les ennuis commençaient. Les Mao étaient leurs bêtes noires. Ce con le faisait exprès pour tenter le diable, pour me foutre les nerfs à vif aussi. Mais je ne pouvais rien dire. Juste serrer les poings et les mâchoires. Lui, il se marrait silencieusement, plissant les yeux, tirant sur sa clope. On est descendu sous une grosse église de briques sombres, à flèches d'ardoise, autour de quoi volaient des corneilles. Je lui ai passé un savon, après tout, j'étais son chef, merde. Puis on est entré au café, le limitrophe. Le patron passait une serpillière sur le comptoir. Il avait l'air mal éveillé, mais c'était peut-être un air qu'il gardait toute la journée. On a avalé deux cafés fétides et plein de bulles comme une eau de lessive. C'est moi qui allumais les tiges avec mon zippo. Puis on a pris, à l'angle de Roger Salingros, la chaussée de Néchin, ou d'Estaing-Puis, je ne sais plus, dis-tu à la fille de 13. Il faisait froid. Nos haleines fumaient. Passé le cimetière, des champs s'étendaient à droite et à gauche, des labours de terre noire poudrés de givre. Au fond des sillons, de l'eau stagnante reflétait le ciel pourpre. Une cohue de mouettes picorait les lombrics. À droite, au bout d'un fossé d'irrigation, les sheds d'une usine sciaient les vestiges de la nuit. Devant nous, dominé par un silo et un clocher, s'étendait le village étrangement nommé Gibraltar. Je te jure que c'est vrai ce nom, dis-tu à la fille de 13. Regarde sur une carte. C'est dans les faubourgs de Roubaix, du côté de Waterloo, par là. La frontière y passait. Roger le Belge nous y attendait, rue du Congo, au bar des sports. Alors qu'on distinguait déjà les panneaux jaunes encadrés de rouge où était écrit le nom de la terre promise, province de Hainaut, Provincie Renegoven, un énorme soleil grenadine a jailli d'un banc de brume tassé sur les toits de Gibraltar. L'Orient est rouge, le soleil se lève. On a commencé tous les deux à gueuler ça, nous prenant par l'épaule, lançant la jambe en un grotesque French cancan, puis la lançant de moins en moins haut, trop pliée de rire. En Chine, paraît Mao Zedong, marchant, ou plutôt sautillant, et bientôt fuyant presque à quatre pattes vers Gibraltar, le visage fardé par le soleil levant au beau milieu des champs scintillants de givre. Il cherche notre bonheur, il est notre sauveur. La la la la la la la la la la la la la la la la. C'était Pages arrachées à Olivier Rollin. Deuxième épisode. Tigre en papier. L'Orient est rouge. Avec Georges Bigot. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Lee Torquia. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Extrait choisi par Olivier Rollin et Sophie Haute-Picon. Tigre en papier est publié aux éditions du Seuil. C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Olivier Rollin. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains diffusée depuis le début du mois de juillet sur France Culture. À demain.